À l'occasion du 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung, les matelots du bateau battant pavillon panaméen Dadae Dunhwa se sont réunis le 15 au port de Funam en Corée. On y a adopté une lettre à l'adresse du dirigeant suprême Kim Jong-un.